C'est un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Le Burundi est prêt à abriter le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA qui se tiendra à Bujumbura le 31 de ce mois, a annoncé ce mardi le ministre du Commerce. Début ce mardi dans tout le pays de l'enrôlement des électeurs pour les législatives de 2025. Cette activité va jusqu'au 31 de ce mois. Justice est populaire en commune Muhanga de la province Kayanza. Une dizaine de personnes sont gardées suite aux accusations de sorcellerie. Les détails, c'est dans cette édition mise en ondes par Albert Douaille. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois. Les préparatifs du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique australe et orientale et COMESA, prévu à Bujumbura le 31 octobre de cette année, se déroulent parfaitement, annonce du ministre du Commerce et Tourisme, Marie-Chantal Nijimbere, dans une conférence de presse de ce mardi. Il a en outre précisé que les équipes du secrétaire général du COMESA sont déjà sur place. La ministre du Commerce a interpellé la population burundaise et surtout les opérateurs économiques à maximiser les efforts pour tirer profit de cette intégration du Burundi dont le COMESA suivait. Le gouvernement du Burundi a signé un accord de siège du 23e sommet des chefs d'État et du gouvernement. Depuis la signature de cet accord de siège, qui est la confirmation de la tenue de cette importante conférence des chefs d'État et du gouvernement dans la capitale économique du Burundi, à Bujumbura, les préparatifs ont commencé et se déroulent bien. Je dirais qu'à ce jour, les équipes même du secrétariat général du COMESA sont déjà sur place pour travailler avec le comité national de préparation du sommet des chefs d'État et du gouvernement des États membres du COMESA. Et il y a des réunions techniques qui vont commencer au cours de cette semaine. En marge, bien sûr, de cette conférence des chefs d'État et des gouvernements, il y aura d'autres activités, dont le forum économique du COMESA qui va se dérouler au 28 octobre 2024 à l'hémicycle de Kigobe, qui se prépare parallèlement à cette conférence des chefs d'État. Il y aura également, en date du 29 octobre 2024, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et de la coopération de 21 États membres du COMESA qui va se dérouler ici même à Bujumbura. Et les aménagements et les installations des lieux sont déjà en cours de préparation. Et aussi, je dirais que ce soit les préparations techniques, les préparations logistiques et d'autres préparations nécessaires sont déjà en cours et d'autres ont été finalisées. Il est vraiment très important que la population burundaise en général s'imprègne de l'appartenance du Burundi dans la communauté du COMESA qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de 1981, mais également nous interpellons à toute la population en général et à la communauté du secteur privé, surtout en particulier, pour pouvoir tirer profit de cette intégration du Burundi dans le COMESA afin d'augmenter la gamme exportable de nos produits, d'autant plus que les pays membres du COMESA sont des pays partenaires commerciaux du Burundi. Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce et Tourisme, dont les propos ont été recueillis par Ornella Mucho. Je vous l'annonçais en titre, début ce mardi dans tout le pays de l'enrôlement des électeurs pour les législatives de 2025 en mairie de Bujumbura, là où nos reporters sont passés dans les zones de Nyakabiga, Gihoche et Kinama ce mardi. Certains ignoraient même cette activité, il y avait une faible affluence. Le point avec Sheila Irambona. C'est à 10h que nous sommes arrivés sur le centre d'enrôlement se trouvant à l'école fondamentale du jardin public de Nyakawiga. Ce qui s'est remarqué, c'est que les gens venaient très timidement se faire enrôler. Trois personnes sont venues pendant les 20 minutes que nous y étions. L'autre centre visité est celui qui se trouve au lycée Guy Rocha, idem pour ce centre. Les gens venaient un à un pour se faire enregistrer. Même les agents étaient assis là sans rien faire. La situation s'est également observée à l'école fondamentale de Kinama. Les agents recenseurs étaient assis là sur les bancs pupitres, toujours dans l'espoir que quelqu'un puissent se présenter. Certains habitants de cette localité ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de ce rendez-vous. Au moment où ce travail est parmi les travaux qui commencent le processus électoral en cours, ces habitants demandent à la CENI d'exécuter ce travail avec minutie pour asseoir la paix. Nous ne sommes pas au courant de ce rendez-vous, car on ne s'intéresse pas à cela. Nous demandons à la CENI de bien exécuter leurs tâches pour que nous ayons la paix et la sécurité. Ce processus d'enrôlement des électeurs a débuté sur tout le territoire du pays. La CENI a mis en place 4246 centres d'enrôlement où chaque électeur peut se faire enregistrer moyennant sa carte d'identité. Sheila Irambona est dans la nouvelle province Gitega et Langi. C'était aussi un faible taux de participation dans la population dans l'avant-midi de ce mardi à certains centres d'inscription, d'où le président de la commission électorale provinciale indépendante dans cette nouvelle province. En la personne de Joseph Maniriho a demandé à la population de participer massivement dès ces premiers jours. 937 centres d'inscription sont donc inventoriés dans cette nouvelle province. Gitega, l'enrôlement des électeurs pour les législatives de 2025 qui a débuté ce mardi 22 octobre, se clôture le 31 octobre de cette année. Et l'arrêté de la Commission électorale nationale indépendante du 23 septembre portant validation du répertoire national des centres d'inscription pour l'enrôlement des électeurs. Pour les élections de 2025, les centres d'inscription sont au nombre de 4246, dans lesquels sont répartis 15633 bureaux d'inscription. Poursuivons avec cette édition. L'eau potable est revenue dans certains quartiers du nord de la capitale économique Bujumbura dans l'après-midi de ce mardi, cinq jours après qu'une panne sur la conduite de refoulement sur le pont de la rivière Nahangwa et sur le peuple Murundi est survenue. Et pour un expert en planification urbaine, Gaspard Kobako, il propose qu'il y ait plusieurs réseaux qui alimentent en eau potable tous les quartiers de la ville pour que l'eau reste disponible en cas d'éventuelles perturbations. On l'écoute. C'est une situation inacceptable que les gens passent en milieu urbain, au nord de la capitale, comme vous le dites si bien, cinq jours sans eau propre. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période où il y a des épidémies, où les autorités médicales nous recommandent de nous laver chaque fois les mains quand nous entrons dans des habitations, quand nous entrons dans des bureaux, quand nous visitons les marchés et partout où l'eau est nécessaire pour pouvoir se laver les mains, pour pouvoir la boire étant propre. Et c'est une situation donc, nous disons et répétons, inacceptable dès lors que les gens sont privés de l'eau propre pendant presque une semaine, et que l'eau coule, retourne d'où elle a été captée avant d'être traitée. Ce n'est pas normal que de l'eau traitée retourne dans les milieux de base comme le lac Tanganyika. Cinq jours justement sans mesure d'urgence, alors que les techniciens sont là, ça veut dire que quelque part, il y a une mauvaise gestion, il y a une mauvaise planification. Et ce n'est pas normal que un quartier ou des quartiers entiers soient dépourvus d'eau parce qu'il y a un seul tuyau qui achemine l'eau. Depuis probablement l'époque coloniale, on devrait d'abord renouveler ce genre de tuyaux et on devrait aussi faire des embranchements dans l'adduction pour qu'une fois qu'un seul tuyau est bouché, qu'on ait une panne, d'autres puissent continuer à servir les populations, faire des adductions, des déviations, des embranchements de telle manière que l'eau soit fournie en permanence aux habitations, surtout qu'il y a extension de la ville. Et c'est le même rythme qui devrait être suivi dans l'adduction d'eau. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page droit de l'homme, un emprisonnement ferme de 10 ans et un paiement de 3 millions de francs en Burundi. C'est la condamnation du tribunal de grande instance de Rutana vendredi dernier à l'endroit d'un homme originaire de la zone Kayero en commune Minga Kayove de la même province de Rutana. Cet homme accusé de trafic d'enfants selon des informations recueillies auprès de l'Observatoire national de lutte transnationale, ONLCT, où est ton frère, qui indique que cet homme homme a été surpris avec 3 enfants âgés de 10 à 13 ans à destination de la Tanzanie pour exécuter des travaux. Et bien, cet observatoire salue à cette condamnation et dans un communiqué rendu public ce mardi, Prime Mbarubuke est président et représentant légal de l'ONLCT demande au tribunal des autres provinces frontalières avec la Tanzanie d'emboîter le pas au tribunal de grande instance de Rutana afin d'éradiquer la traite des enfants. On l'écoute. L'ONLCT, où est ton frère? Salue donc avec un grand coup de chapeau cette condamnation combien très louable et importante et qui a été infligée à ce trafiquant d'enfants par le tribunal de grande instance de Rutana, portant découragement d'autres ayant les mêmes intentions ou projets macabres de trafiquer les enfants burundais vers la même destination ou ailleurs dans le monde, car cette répression constitue vraiment une forme de dissuasion et de prévention pour l'avenir. De ce qui précède donc, l'Observatoire national pour la lutte contre les criminalités transnationales, ONST, où est ton frère, voudrait demander que les autres tribunaux de grande instance des provinces Muyinga, Cankuzo, Rutana et Makamba, provinces de transit et des enfants burundais à destination de la Tanzanie, emboîtent le pas justement au tribunal de grande instance de Rutana, qui vient de servir de modèle aux autres cours et tribunaux du pays afin de réprimer à jamais ce genre d'infraction de traite d'enfants burundais à destination surtout de la Tanzanie, afin d'éradiquer à jamais ce phénomène qui se trouve à une rive très inquiétante actuellement, surtout dans ces provinces de l'est du pays. Je vous l'avais annoncé en titre, 13 personnes originaires de la colline Mwendo, en commune Muhanga, de la province Kayanza, sont entre les mains de la police judiciaire en cette commune. Des informations fournies par Benoît Ndeyizé, administrateur communal Muhanga, disent qu'ils ont été arrêtés pour enquête judiciaire après avoir incendié une maison de leur voisin dont ils accusaient de sorcellerie. Cette autorité administrative communale de Muhanga appelle la population à en découdre avec cette pratique de justice populaire, mais plutôt de saisir les instances judiciaires en cas de conflit. Les usagers du port de pêche de Rumonge trouvent difficile la lutte contre les maladies des mains sales. Ils se servent au quotidien de l'eau du lac Tanganyika qui n'est pas propre. En réaction, l'administrateur communal de Rumonge informe qu'il y a un projet de distribution d'eau potable dans cette ville. Le point avec Francine Dehokugayo. La plage de pêche de Rumonge est un endroit très fréquenté par des gens qui exercent plusieurs activités, mais la propriété laisse à désirer. Pas de robinet, pas de seau d'eau et du savon pour l'hygiène des mains. L'eau sale du lac Tanganyika est leur seul recours, comme l'indiquent ces jeunes vendeurs de sachets. Juste à côté, une maman qui sert le petit poisson s'indigne. Nous n'avons pas de seau pour faire l'hygiène et ici, tout près du lac, l'endroit est très sale. Nous n'avons même pas de toilettes et sans abri qui passent la nuit dans les environs ne font pas d'efforts et se soulagent ici. Nous savons que des maladies existent, mais ce que nous faisons, nous nous organisons et enterrons ces déchets ici. Et nous nous lavons les mains sans savon. Nous sommes pauvres et nous ne prenons pas vraiment de précautions. La plage connaît également un problème très sérieux de manque de toilettes. Malgré la disponibilité des kits d'hygiène, le lavage des mains au savon reste problématique suite à la pénurie d'eau potable dans la ville de Rumonge. Mais l'administrateur de la commune, Augustin Mina, n'y rassure. Il y a justement un problème de l'eau qui est insuffisante ici dans la ville de Rumonge, mais la population s'arrange souvent pour puiser de l'eau. Au niveau de la Tanganyika, souvent on leur demande d'abord de traiter l'eau avant de l'utiliser. Je crois que ce problème sera bientôt réglé avec le projet KFW parce qu'on va alimenter la ville en eau potable captée à partir de la Tanganyika. Partenaire de l'UNICEF, l'organisation Global Development Community Burundi a déjà construit des latrines aux populations de certaines communes de Rumonge, victimes des inondations, et distribué des kits wash pour améliorer les conditions d'hygiène des vulnérables. Kateka Yann Morel, chargé du programme Roche, promet d'étendre leur champ d'action si les moyens le permettent. de Lomongue au sud du Burundi, rendons-nous un peu plus à l'est du pays, en province Ruigi, pour parler politique. Les jeunes affiliés aux différents partis politiques dans cette province indiquent que la cohabitation entre les jeunes est bonne, ce qui est confirmé par le gouverneur de cette province. Toutefois, les représentants des partis UPRONA et CNL indiquent qu'ils obtiennent difficilement les autorisations de tenir des réunions, même après avoir informé l'administration. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Les représentants des jeunes membres des différents partis politiques en province de Ruigi indiquent que la cohabitation entre les jeunes est bonne, comme l'indique Alexis Bikolimana, représentant des jeunes affiliés au parti UPRONA dans cette province. Malgré cela, il déplore le comportement de certains administratifs qui les empêchent à tenir des réunions alors qu'ils sont informés. La cohabitation entre les jeunes de différents partis politiques existés ici à Ruigi sont vraiment en bon état. Il y a quelque chose de difficulté en rapport avec les réunions différentes des partis. Je peux dire le parti UPRONA où il existe quelques communes d'Oruigi, là où tenir les réunions est vraiment difficile. Les jeunes des autres partis ne peuvent pas comprendre d'accepter les réunions des autres partis. Nous le faisons toujours pour mieux préparer nos jeunes qu'il faut être prudent et attentif. L'autre défi qui s'observe plus souvent est lié aux chansons du parti au pouvoir qui sont plus souvent balancées lors des travaux communautaires. Pendant les travaux communautaires, nous informons nos jeunes pour mieux participer. Mais ce qui existait, c'est qu'on peut entendre quelques chansons du parti au pouvoir. Pour moi, pendant les travaux communautaires, les chansons de différentes parties ne sont pas acceptées. À cela, Josaphat Bikolimana, représentant du Conseil national de la jeunesse en province de Ruigi, fait savoir que ces chansons sont utilisées lors des travaux organisés par les partis politiques. Son représentant du Conseil national de la jeunesse se réjouit en outre de la cohabitation entre les jeunes affiliés aux partis politiques. Dans cette province, les jeunes sont bien cohabités. Je dirais, dans le voie normale, les jeunes sont bien cohabités. Il n'y a pas de problèmes dans les jeunes dans cette période de préparation des élections. Ici, dans la province d'Oruigi, ces chansons qui intimident les autres, on les observe pas durant cette période. Et nous, en tant que président du Conseil national de la jeunesse, nous essayons de mettre les jeunes désorientés, de travailler dans de bonnes voies pour ne pas affronter avec les droits. Thabo Emiratienne, gouverneur de la province de Ruigi, fait savoir qu'au sein de l'administration, il sensibilise les jeunes de vivre en harmonie malgré leur diversité. Il exhorte les jeunes d'éviter de tomber dans les pièges des politiciens dans ce moment où les élections approchent. Radio Isanganiro, chronique santé. L'asthme est une maladie chronique non transmissible qui attaque les poumons. Le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikoumenayo indique que cette maladie est caractérisée par un gène respiratoire comme signe majeur. Ce médecin explique que le traitement dépend de la phase et de l'état de l'asthme. La chronique santé de ce mardi avec Onela Mucho. L'asthme est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches. Selon le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikoumenayo, l'asthme se manifeste par des crises caractérisées généralement par des épisodes de gêne respiratoire. Avant de prescrire des médicaments, le médecin passe d'abord par l'identification des stades de sévérité. Cliniquement, ça va se traduire par un gêne respiratoire. Le patient va sentir que sa respiration n'est pas suffisante. Et puis, avec le temps, avec le niveau d'obstruction, il va s'accompagner avec un sifflement. Parce que l'air qui passe dans le poumon passe à sur des obstacles, produisant ainsi un sifflement. Et parallèlement, il va s'ajouter une toux généralement sèche, et beaucoup moins fréquente par rapport au tout des autres pathologies. Et puis, plus la maladie s'aggrave, plus il y a une intensification de ces signes. Et à tel point que le patient, quand il consulte, il revient au médecin de déterminer n'est qu'au niveau de sévérité d'une crise d'asthme. Ces signes sont évalués et puis ils permettent à classer le patient en asthme légère, en asthme modéré, en asthme sévère, en asthme aigu grave. Le meilleur moyen de se prévenir contre les effets indésirables est de prendre des médicaments par voie inhalée, explique toujours ce spécialiste dans le traitement des maladies des poumons et du système respiratoire, tout en précisant qu'un asthme bien contrôlé permet de maintenir une bonne capacité respiratoire. Le traitement va consister à administrer des bronchodilatateurs, des médicaments qui relâchent les muscles lisses du poumon, mais aussi des médicaments qui vont diminuer cette inflammation de la muqueuse bronchique. Ces médicaments s'administrent essentiellement par voie inhalée, et particulièrement pour ce qui concerne les bronchodilatateurs, pour une simple raison que quand vous administrez le médicament directement vers le poumon, et on va avoir une réponse rapide sans beaucoup d'autres effets secondaires. Alors que le même médicament, s'il est avalé ou passé par la voie parentérale, ça va passer par la circulation, puis le médicament qui va arriver au niveau du poumon, il va y arriver, mais après avoir passé dans tout notre organisme avec les conséquences variées. Généralement, sortir d'une crise, on doit prendre une semaine, un mois, non. Sortir d'une crise, c'est d'aller du début de la prise en charge, max dans 4 heures. Le reste, c'est de consolider le résultat obtenu. Et puis, après avoir contrôlé la crise, le médecin doit savoir sur quel terrain de cet asthme se développe, cette crise d'asthme se développe. Cela est affirmé par l'une des personnes souffrant de l'asthme qui se réjouit qu'elle vient de faire 6 mois sans la survenue des crises d'asthme. Six mois viennent de s'écouler sans présenter aucun signe d'asthme. Je me sens guérie, je dors en toute quiétude la nuit et la journée. Quelquefois, je suis contrainte de prendre des médicaments à cause de la poussière. Cette maladie qui touche les adultes et les enfants, sa crise est potentiellement mortelle et nécessite une prise en charge rapide. Et selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2019, cette maladie a entraîné 455 000 décès. Et selon toujours l'OMS et le réseau mondial de l'asthme, 334 millions de personnes pourraient souffrir d'asthme dans le monde. Et en Afrique, sa prévalence varie de 4 à 22%. Merci à Ornella Mucho pour cette chronique santé. Voilà, 18h23 dans les studios de la radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyangi.